Et eux, ils l'ont rendu quoi ? Sacré. C'est un bien qui a une valeur aux yeux de la loi, et celui qui le casse, il doit payer. Donc, ceci est de la mécréance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit. إنما النسيء زيادة في الكفر فما كان فإن كانت زيادة كفرا فالنسيء كفر كذلك. Et de même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, donc ce verset qu'on a cité dans, il se trouve dans sourate At-Tawbah, sourate 9 verset 37. Allah nous dit aussi أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans le din ce qu'Allah n'a pas permis. D'accord. Le terme din, parce que les murji'a, Al-Jahmiya d'aujourd'hui, qui défendent les Tawarit, ils disent quoi ? Ils disent ce verset que ont-ils des associés qui leur ont légiféré ce qu'Allah n'a pas permis, qui leur ont légiféré dans le din ce qu'Allah n'a pas permis ? Ils te disent ça, c'est pour ceux qui te disent, par exemple, la prière, on a 5 prières par jour. Non, non, non, les musulmans, vous devez prier 6 prières par jour. Donc celui qui fait ça, ils vont te dire, lui, c'est un tarot, c'est un mécréant, parce qu'il a légiféré dans le din, dans la religion. Donc pour eux, la religion, c'est juste le côté culturel. Hein. C'est juste la prière et le siyam et la zakat. Hein. Donc ils te disent, celui qui fait ça, il est mécréant. Et il s'est mis à l'égal d'Allah. Mais celui qui dit, Allah a interdit le vin, mais moi je le perds. Allah a interdit le vin, certes. Dans mon pays, c'est permis le vin. Ou Allah a interdit telle relation. Dans mon pays, c'est permis. Allah a interdit l'apostasie. Mais au nom de la liberté d'expression et la liberté de culte, c'est permis. Même les satanistes, ils ont le droit. Même les satanistes, ils ont leur liberté d'expression. Un champ d'expression qui est garanti à tout citoyen. Donc au Maroc, il y a des satanistes. Des sataniques. On les appelle satanistes ou sataniques. Ça a la kulahal. Donc, ces gens-là, ils ont permis ce qu'Allah interdit, mais les murji'a aujourd'hui, cette secte, ils vont te dire quoi ? Oui, mais ils n'ont pas dit que c'était ça la religion d'Allah, ils ont juste permis ce qu'Allah interdit. Donc, on ne peut pas dire que c'est des mécréants. On leur répond comment ? Le terme, qu'est-ce qui explique le Coran mieux que le Coran ? Qu'est-ce qui explique le Coran ? Et quelle est la meilleure des choses, la meilleure manière d'expliquer le Coran ? C'est le Coran par le Coran, puis le Coran par la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Yusuf, « Ma kana liya'khudha akhahu fi din al-malik » Youssouf n'allait pas prendre son frère et l'a lui appliquer le dîme du roi. C'est quoi le dîme du roi ? Revois le tafsir. Le hukm du roi. Donc le terme dîme, il signifie les actes culturels, la prière, le siyam, la zakat et d'autres, mais il signifie aussi le côté économique, le régime d'un état. On appelle ça un dîme. Parce que le dîme, ça vient de quoi ? De deynouna. Deynouna, c'est la soumission. C'est pour ça que tu dis quelqu'un, comment tu dis quelqu'un, je l'ai humilié ? Dintuhu, attends. Naam. Naam, dintuhu, c'est-à-dire je l'ai humilié, je l'ai rabaissé. Donc le terme din vient de la racine ad-deynuna, qui veut dire quoi ? Qui veut dire la soumission, l'humilité. Donc le hukm, le régime d'un peuple et le régime auquel se soumet une nation est un din. C'est le din de leur pays. C'est le din de leur pays. Et c'était le din du roi. Allah nous dit, ma kana liya'khudha akhahu fi din al-malik, Youssouf alayhi salam n'allait pas appliquer à son frère le din du roi, c'est-à-dire le hukm du roi. Donc le jugement est aussi un din. Le jugement, la loi d'un pays, on appelle ça aussi un din. Donc on reprend cette explication, on l'applique à ce verset. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans le din ce qu'Allah n'a pas permis, c'est-à-dire dans leur régime de vie, dans leur manière de voir les choses, dans ce qu'ils doivent faire et ne pas faire, ce qui est permis et interdit. C'est pas simplement dans la prière et dans le jeûne. C'est dans tout. Donc Allah, comment a-t-il nommé ceux qui prennent autre que lui comme législateur, comment les a-t-il appelés ? Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis ? Donc il les a appelés comment ? Des associés. Et celui qui est l'associé d'Allah, est-ce qu'il peut être musulman ? Vous avez déjà vu un musulman qui se met à l'égal d'Allah ? Nouveau ça. Le nouveau din des murji'a. C'est qu'il y a des gens qui se mettent à l'égal d'Allah, mais c'est des musulmans. Malgré tout, l'islam il a plus de sens. Hein. Demande-lui celui qui insulte Allah. Certains d'entre eux, tu lui dis celui qui insulte Allah, c'est un quoi ? Il te dit c'est un musulman, il dit la ilaha illallah. Tu lui dis c'est quoi l'islam ? C'est quoi ? C'est la soumission à Allah. D'accord. Celui qui a insulté Allah, il s'est soumis à Allah. Il a aimé Allah. Comment tu peux aimer Allah en insultant ? C'est un vrai kalam. Ala kulli hal kalam al-albani fi ma fi. Ala kulli hal. على كل مسألة الألباني في قضية على كل حال إن شاء الله نتحدث فيها فيما بعد. الألباني لم يصرح بهذا القول يعني كما صرح به لو سمحت لحظة كما صرح به أتباعه

radiallahu anhu, qui s'est converti à l'islam après ce récit. Il est venu à la mosquée, c'était le fils de Hatim al-Ta'i. Hatim al-Ta'i, c'était un homme qui était connu pour sa générosité à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il est même cité dans les dictons arabes. Il est quelqu'un de généreux comme Hatim al-Ta'i. Donc quelqu'un, pour montrer qu'il est très très généreux, on dit qu'il est encore plus généreux que Hatim al-Ta'i. Donc Hatim al-Ta'i, il est décédé. Il a laissé ses enfants, il a laissé des enfants derrière lui. Sa fille, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaqué al-Ta'if, sa fille s'est convertie. Elle s'était convertie avant ça ou à ce moment-là, avec l'Ihal. Son fils, Adi ibn Hatim, il s'est enfui. Sa sœur lui a envoyé un courrier, elle lui a demandé de venir. Viens et entre dans l'islam. Il est venu, il est rentré à la mosquée. Il avait, c'était un chrétien, il avait une croix autour du cou. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Za'anka hadha fa inna watan. Retire ceci car c'est un idole adorateur d'Allah. Puis il a entendu le prophète lire, et dans ce récit il y a une preuve que le mouchrik, il peut rentrer à la mosquée pour écouter la da'wah. Il peut rentrer à Médine, c'est à la Mecque qu'il ne peut pas rentrer. Donc il est rentré, il a écouté, il écoutait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire sur la Tawbah. Jusqu'à que le prophète soit arrivé à ce verset, ils ont pris leurs savants et ascètes comme seigneur en dehors d'Allah. Et lui, il était chrétien. Et Allah parle des chrétiens et des juifs ici. Et il s'est étonné, il a dit à Rasulallah, lasna na'abuduhum. On les a pas adorés. Il n'avait pas compris l'adoration, elle était où. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Alam yuhillu lakum al-harama fatastahilluh wa yuharrimu alaykum al-halala fatuharrimuh. Ne vous ont-ils pas permis ce qu'Allah interdit, puis vous le considériez comme permis? Et ne vous ont-ils pas interdit ce qu'Allah a permis, puis vous l'interdisiez? Hadi, il a réfléchi, il a dit: ben, certes, on a agi de la sorte, c'est vrai. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: Fatil ka ibadatuhum. C'est comme ça que vous les avez adorés. C'est comme ça que vous en avez fait les seigneurs à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un, il te permet une chose, et tu sais Allah il l'a interdit, et tu le permets. Quelqu'un il a interdit une chose, et tu sais que quelqu'un t'a interdit une chose, tu sais qu'Allah il l'a permis, et tu l'interdis. Si tu agis de la sorte, tu le prends comme seigneur dans Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça c'est un point. Mais il faut faire la différence entre ta'a fi tahlil et wa tahrim, d'obéir dans le tahlil et le tahrim, c'est-à-dire en permettant ce que autre qu'Allah a permis, qu'Allah a interdit, et en interdisant ce que autre qu'Allah a interdit, qu'Allah a permis, et entre ta'a bil amal, al-muwafaqatu fil amal, de le suivre dans les actes simplement. C'est-à-dire, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a parlé de ce point-là lorsqu'il a traité de ce verset. Et il a dit quoi? Il a dit si quelqu'un, par exemple, si leurs savants, leurs ascètes, leur permettent une chose qu'Allah interdit, et eux font cette chose-là, tout en étant convaincus qu'Allah l'a permis, qu'Allah l'a interdit, ils ne suivent pas dans le tahlil, dans la permission et l'interdiction, mais ils suivent dans l'action. Il a dit ça, c'est pas du shirk akbar. Ça, c'est pas du shirk akbar. Et de même, si leurs savants et ascètes, ils interdisent une chose qu'Allah a permis, puis eux, ils font cette chose-là, tout en étant convaincus que cette chose, elle est toujours permise. Dans ce cas-là, ils n'ont pas fait du shirk akbar non plus. Je te donne un exemple. Quelqu'un, imaginez qu'il vit dans un état islamique. Il va dans un état occidental, ou un état qui n'applique pas la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il arrive là-bas, et il apprend que dans ce pays-là, il est permis d'aller dans les boîtes de nuit. Il est permis de faire des actes de turpitude, qu'Allah nous en préserve. Et il va, il le fait. Est-ce que c'est un mouchrik? Je vous pose la question en fonction de ce qui a précédé. Pourquoi? Participez, Inch'Allah. Quelqu'un, il vivait par exemple dans un pays où la sharia avait été appliquée. Donc, ce qu'Allah interdit est interdit, ce qu'Allah permis est permis. D'accord, il va dans un autre pays où c'est une autre législation que la législation d'Allah qui est établie. Et dans cette législation-là, il permet d'aller en boîte de nuit, d'aller faire n'importe quoi, de boire du vin. Et lui, il se met à boire du vin et commence à faire des actes de désobéissance. Est-ce qu'il a fait du shirk akbar ou pas? Est-ce qu'il a annulé son tawhid dans le hukm ou pas? Mais est-ce qu'il sort de l'islam? Il sort de l'islam à partir du moment où il dit lui-même que c'est permis et qu'effectivement c'est permis. Voilà, jazakumullah khair. Barakallahu fikoum, vous avez tout à fait raison. D'accord? Donc il faut faire la différence entre le suivi dans les actes et le suivi dans le tahlil et le tahlim, c'est-à-dire de suivre en permettant ce que autre qu'Allah a permis et qu'Allah a interdit, et en interdisant ce qu'autre qu'Allah a interdit, qu'Allah a permis. Puis le cheikh dit: وَقَالَ تَعَالَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى. Parmi les preuves aussi nous avons: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ.